Le bouddhisme au Tibet, précédé du résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué. Chapitre 2. Développement graduel et situation de la religion bouddhique vers 1880. Développement et déclin dans l'Inde, son extension dans diverses parties de l'Asie, comparaison du nombre des bouddhistes à celui des chrétiens. À peine Sakyamuni commençait-il à enseigner sa nouvelle religion que déjà une foule nombreuse l'entourait. Son système avait un succès inouï à cause de sa simplicité et de l'abolition des castes. Le Bouddha répand les bénédictions dont il est le dispensateur aussi bien sur les plus hautes classes, brahmes, que sur les plus infimes. Déjà à sa mort le nombre des bouddhistes paraît être considérable, et environ au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ sous le règne d'Asoka, sa religion commence à se répandre dans l'Inde entière. Elle continue à progresser ainsi pendant 800 ans, jusqu'au 5e siècle de notre ère, alors commence une violente persécution, à l'instigation des sectaires brahmanes, et particulièrement des adhérents du culte de Shiva, qui amena presque la destruction du bouddhisme. Yuan Tsang, pèlerin chinois, qui passa une partie de sa vie en long voyage dans l'Inde de 629 à 645 avant Jésus-Christ, cite nombre de temples, monastères et monuments bouddhiques, déserts déjà et en ruine. Deux siècles plus tôt, Fayan, autre voyageur chinois, avait trouvé ces édifices dans l'état le plus prospère. Néanmoins, dans plusieurs contrées de l'Inde les bouddhistes existaient encore, à Bénarès, redevenu maintenant un centre brahmanique, ils ont eu, dit-on, la prédominance jusqu'au 11e siècle et même jusqu'au 12e dans la partie nord de Gujarat. Après cette époque le bouddhisme disparaît dans l'Inde par suite d'une réunion de circonstances parmi lesquelles la jalousie des diverses écoles et l'invasion musulmane sont peut-être les plus importantes. À présent le bouddhisme s'étend sur de vastes territoires, de Ceylan et l'archipel indien au sud, jusqu'au lac Baïkal dans l'Asie centrale, et du Caucase jusqu'au Japon. Le nombre de ses adhérents égale, s'il ne le surpasse, celui des chrétiens, ainsi qu'on le verra par la suite. Feu le professeur dit Tracy dans son recueil si connu du recensement du globe, évalue la population de la Chine à 400 millions, celle du Japon à 35 millions d'âmes et celle de la péninsule de l'Indochine à 50 millions d'habitants dans les territoires indépendants. Les évaluations pour les dépendances de l'Inde sont peu d'accord. Le dictionnaire géographique de Thornton donne pour Arakan, Pegu et Tenasserim une population d'environ 1 million d'âmes, mais, d'après une note de l'Indian Mail d'Allen 1861, les habitants de Pegu, seuls, sont estimés à 1 million. Une moyenne de 2 millions d'habitants pour ces trois provinces serait peut-être plus en rapport avec leur superficie comparée au reste de la péninsule. Selon Dietrichy, la population de l'archipel indochinois est de 80 millions, dont 20 pour les possessions hollandaises et espagnoles. Celle de Ceylan, entièrement bouddhiste, dépasse 2 millions suivant McCarthy. Dans l'Inde proprement dite, il n'y a pour ainsi dire point de bouddhistes. D'après ces calculs nous obtenons donc pour ces parties de l'Asie un total approximatif de 534 millions d'habitants. Les deux tiers au moins sont considérés comme bouddhistes, le reste comprend les disciples de Confucius et de Lao Tzu, adhérents des religions dominantes dans la Chine proprement dite. Les musulmans, nombreux dans la Tartarie chinoise, et les tribus païennes de la péninsule de l'Indochine et de l'archipel, Le nombre de ces derniers est relativement faible, vu le peu de population de leur district. Nous pouvons donc estimer le total des bouddhistes à 340 millions. Les autres parties du globe ajoutent à ce nombre un contingent relativement peu important, qui semble pourtant devoir dépasser 1 million. Les provinces orientales de l'Empire russe renferment environ 400 000 bouddhistes, soit 82 000 kirghis et 119 000 kalmouks habitant l'Europe, et les bouryas, environ 190 000 âmes, vivant dans la Sibérie. Ceux-ci sont presque tous disciples de Bouddha. Il faut encore ajouter pour l'Himalaya et le Tibet occidental, indépendant de la Chine, les habitants de Bhoutan au nombre 145 000 tous bouddhistes selon Pemberton. J'estime de 500 000 à 550 000 la population de Sikkim, réunie aux bouddhistes de Népal, en grande partie d'origine tibétaine. La province bouddhiste de Spiti, sous la protection de l'Angleterre, compte une population de 1600 habitants d'après le recensement du Majorat en 1849. La Dak, maintenant province du royaume de Cachemire, possède suivant Kuminagam 178 000 âmes. La population native est exclusivement bouddhiste, mais depuis l'annexion à Cachemire quelques hindous, membres de l'administration et quelques marchands musulmans s'y sont établis. Le total de ce groupe peut monter à 1,25 million. J'ajoute comme comparaison que, d'après le professeur Ditrici, le total des chrétiens répandus sur la surface du globe est de 335 millions, dont 170 millions catholiques romains, 89 millions protestants, et 76 millions catholiques grecs. Leur nombre est donc inférieur de 5 millions à celui que nous donne, pour les bouddhistes, le calcul ci-dessus. Note. Le bouddhisme avait aussi été introduit au Mexique par des prêtres chinois au 5e siècle avant Jésus-Christ, et eut des disciples dans ce pays jusqu'au 13e siècle. Mais les Aztèques victorieux qui prirent possession du Mexique au commencement de ce siècle mirent fin au bouddhisme, confèrent la scène. Markendanarchive.org 2022, d'après Gallica BNF.fr. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.